sèche qu'au vent. Y'a pas d'armes au corps défendant. Perle noire tatouée, c'est tout ce qui est resté. Quand tu m'as planté sur l'arbre mort au cœur du désert. Y'a comme deux cœurs gravés au laser. Dessin fracassé, grotesque ciné. Quand tu m'as planté, quand on s'est planté, tout au bout de la hauteur, et à tes yeux ton corps, t'avais ni raison ni tort. Tout au bout de la hauteur, des rêves tête de mort. L'essence coule sur mes remords, et moi je m'y noie fort, tout au bout de l'auteur. Y'a des larmes qui sèchent au vent, des rides qui ressemblent à du sang, et de mots mort-nés en souvenirs castrés. Quand tu m'as planté en vaisseau fantôme en ombre de moi. La terre est bien vide quand elle tourne sans toi. Et moi je vais tout droit, je fonce comme un cinglé. Depuis que tu m'as planté, depuis qu'on s'est planté, tout au bout de la hauteur, y'a tes yeux, ton corps, t'avais ni raison ni tort. Tout au bout de la hauteur, il veut se finir fort, et y'a plus vraiment ressort pour se finir sur le bord. Tout au bout de la hauteur, tout au bout de la hauteur, y'a tes yeux, ton corps, t'avais tes raisons, tes torts. Tout au bout de la hauteur, il se dit que les remords, c'est un peu comme les doutes, toutes les casses et les croûtes sur le bord de l'auto. Tout au bout de la hauteur,